Chapitre 5e. Il ferma brusquement la fenêtre et, donnant un tour de clé à la porte du cabinet, il se précipita aux genoux de Thérèse. « Mademoiselle, lui dit-il avec emphase, au nom du ciel, donnez-moi une preuve d'affection. » Presque épouvantée de cet étrange mouvement et de ce ton solennel, Thérèse se dirigea vers la porte qu'elle allait ouvrir lorsque Démosthène s'écria avec plus d'insistance « Oh, de grâce, mademoiselle, ne craignez rien, mais écoutez-moi. » « Et que faut-il que j'écoute ? » dit Thérèse en tremblant et en rougissant beaucoup. « Vous m'inspirez une respectueuse admiration, une irrésistible sympathie. Eh bien, en échange de ces purs et vifs sentiments, accordez-moi un peu de confiance, un peu d'amitié. »« Comment ? » répondit Thérèse. « En croyant ce que je vous dirai sur ce qui va se passer ici, et en ne cherchant pas à le pénétrer. » « Et que va-t-il se passer ? » demanda Thérèse avec une sorte de terreur. « Vous le saurez, » s'écria Démosthène, « mais consentez à ne pas en être témoin. Restez ici un quart d'heure à m'attendre. »« C'est facile, » répondit Thérèse en souriant. « J'y suis resté souvent plusieurs heures volontairement enfermé. »« Oh, merci !» s'écria Démosthène, qui reçut cette réponse comme un consentement. Et ouvrant la porte, il en ôta la clé et la referma à l'extérieur. « Quoi, prisonnière ?» s'écria Thérèse. « Mais je ne veux pas. Ouvrez, monsieur !» Démosthène ne l'entendit point. La voix retentissante de Léocadie arrivait seule en ce moment jusqu'à lui. Il se précipita pour conjurer l'orage. Cependant, Thérèse s'était approchée de la fenêtre, et à travers des barres de fer qui la rendaient infranchissable, elle avait vu la voiture déboucher de l'avenue de la Bastide et s'arrêter devant le perron. Une femme en descendit. Thérèse ne put distinguer qu'un mantelet noir et un voile vert. Cette femme était-elle jeune et belle ou vieille et laide ? L'esprit de la jeune fille se perdit en conjectures. Pour satisfaire sa curiosité, elle fut sur le point d'appeler. « Je veux la voir !» pensait-elle. Puis après une réflexion, « Mais à quoi bon ? Ne m'a-t-il pas dit qu'il se sentait attiré vers moi par une irrésistible sympathie ? C'est donc moi qu'il aime. Cette femme, quelle qu'elle soit, il ne l'aime pas. » Cette pensée lui fut douce, et elle se résigna à l'attente. L'obéissance et le dévouement sont si faciles en amour. Et en ce moment, Thérèse croyait sincèrement aimer Démosthène. Elle s'assit sur le bord de la fenêtre et se mit à rêver avec assez de calme.